Chapitre 8e, quatrième jour. Tous les réveils de la ville retentirent en même temps. Que se passait-il aujourd'hui pour qu'il y ait un tel tintamarre? Christophe décida d'arrêter le sien et le bruit cessa. Comment avait-il fait pour faire taire tous ces réveils? Avait-il un pouvoir particulier dont il ignorait l'existence? Mais pourquoi, puisque le bruit assourdissant avait cessé, avait-il si mal au crâne? Un mal inhabituel qui semblait installé dans tous les recoins de son cerveau. Il s'assit sur son lit. Il n'avait aucun pouvoir particulier. C'est son mal de tête qui était responsable de cette méprise. Il avait du mal à garder les yeux ouverts et ne supportait pas la lumière de sa lampe de chevet. Que se passait-il, bon sang? Il avala un cachet et se recoucha, attendant une amélioration rapide, comme à chaque fois où il avait un mal à la tête. Il attendit en compagnie de son mal qui ne voulait pas le quitter. Christophe commença à paniquer. Que faire si le cachet n'agissait pas? Il fallait qu'il se lève et qu'il aille travailler. BG l'attendait. Il regarda fixement l'uniformité du plafond. Il essaya de vider son cerveau en espérant que sa douleur partirait en même temps. L'opération dura un certain temps, mais il parvint à ses fins. Il se pressa pour attraper le faux départ de la journée. Il but son café très chaud, s'habilla encore humide, ne se sécha pas les cheveux, ne rangea rien dans la cuisine, ne fit pas son lit, remit par erreur le jean de la veille, ne descendit pas ses ordures, ne posta pas la lettre qu'il avait dans sa poche, grilla deux feux orange. Pour finir, il se fit engueuler quand il arriva en retard au café. « Alors, Christophe, tu n'es pas sérieux. On voit BG dans 5 minutes et nous n'avons rien préparé. » Martin, installé devant sa tasse vide, son petit déjeuner terminé, s'impatientait. « Désolé, j'ai eu un mal de tête terrible ce matin. Ça m'a mis en retard. » « Il avait de jolis yeux, ton mal de tête. Je comprends la prolongation, mais le jour est mal choisi. » Christophe fit signe à Christian d'accélérer le service. « Arrête, Martin, je ne te raconte pas l'histoire. Tu as appris quelque chose de ta charmante invitée ?»« Pas vraiment. Elle n'a pas retrouvé la déposition qu'elle cherchait et n'a pas encore rencontré les propriétaires des voitures qui stationnaient dans les parages. C'est dingue qu'un gamin note encore les numéros d'immatriculation. C'est un mordu des chiffres et des séries statistiques, sans doute. Il en reste. Sais-tu ce que veut faire un de mes cousins quand il sera grand? Dis-moi. De la recherche en mathématiques pures. » En mathématiques pures? Tu veux qu'on me mal de tête revienne, c'est ça? Tu sais, les mathématiques, c'est la vie. Les maths expliquent tout, paraît-il. Certains pensent même que la naissance de l'univers est due à un événement de ce genre. Et il y a tous ces nombres spéciaux, pi, la constante de Planck. C'est la première fois que tu me parles de ça. J'ai une copine prof de maths. Ah, je comprends mieux. Christophe se brûlait la langue en prenant son café trop chaud. Bon, mais comment trouver notre coupable? Calme-toi. Et toi, tu as pris quelque chose de ta jolie copine journaliste? Non, rien. Rien? Au fait, dis-moi. Comme le demanderait un certain Christophe, comment était le cocktail d'hier soir? Christophe désigna son café. Imbuvable. J'ai du mal à te croire. Tu m'en reparleras après. Qu'allons-nous dire à BG? Il y a la piste Quentin, même si elle est peu convaincante. Et puis j'ai pensé à l'enfant. Il sait peut-être quelque chose. Il note peut-être des choses lui aussi, après tout. Il faudrait trouver un moyen de le faire revenir pour lui poser quelques questions. Je me demande aussi si la femme de ménage nous a tout dit. Il y a enfin le travail de fourmi de l'inspecteur Lernot. Tu crois que ça va lui suffire, boss? Nous avançons, je le sens, il le sentira aussi. Tu parles. Nous n'aurons jamais terminé avant son départ. Je n'en suis pas si sûr, Martin. Il en reste encore du temps. Tu me semblais bien optimiste, alors que tu étais d'une humeur massacrante tout à l'heure. Je le suis toujours, mais à cause de problèmes personnels, pas professionnels, et je me suis brûlé. Christophe et Martin restèrent silencieux les 2 minutes suivantes du petit déjeuner. Christophe était furieux de sa soirée. Comment avait-il pu s'embarquer dans une pareille aventure? Tout était confus dans sa tête où dominait un sentiment de catastrophe. BG compulsait un dossier. Il portait un costume gris anthracite, une chemise blanche impeccable et une cravate rayée grenaille beige. Il jeta un rapide coup d'œil vers eux. « Alors, où en êtes-vous ? » « Nous aurons fait le tour des suspects aujourd'hui ou demain. C'est un de ces familiers qui a fait le coup. Nous procédons par élimination. 2 suspects semblent déjà hors de cause. » BG referma son dossier. « Qu'en pensez-vous, Lestage ? » ?»« Si Carpol le dit, ce doit être vrai. » « Il a plus d'expérience que moi. » « J'avoue être un peu dans l'expectative pour l'instant. » Je sais que nous avons du grain à moudre pour les 2 jours à venir. Vous sentez que le filet se resserre, Carpol, c'est ça? BG refermait ses mains dans l'espace comme s'il mettait la main au collet d'un suspect virtuel. Oui, patron. Le flair est une qualité indispensable dans la police. aussi indispensable que la chance. » Christophe se tourna vers son équipier. « La chance, c'est l'apport de l'estage en plus de sa conscience professionnelle et de sa parfaite connaissance des femmes. « J'espère que notre entretien de demain matin sera plus concret. Je veux un rapport écrit détaillé et circonstancié pour réfléchir de mon côté. La femme de ménage, l'avez-vous revue ? Non, pas encore. Maniez-vous un peu le cul ? Elle sait sûrement quelque chose, cette femme, comme toutes les femmes de ménage. D'accord, je la verrai en fin de matinée, après l'audition de Marchand et Marceau. Si je la trouve, bien sûr que vous allez la trouver. » S'énerva Béger. « Il faudra que tu joues un peu de ton char, Martin, si c'est utile. » « Démerdez-vous comme vous voulez, ça urge !» s'énerva encore Béger. Marchand arriva en retard. Ses bronches sifflaient et il toussait. Christophe commença, calmement, comme pour se faire pardonner sa brutalité de l'avant-veille. « Monsieur Marchand, j'espère que vous allez mieux, que vous êtes repris, que nous allons pouvoir vous entendre. Je suis à votre disposition, mais je ne crois pas que je pourrai vous apprendre grand-chose, et je suis loin de ma meilleure forme. » Marchand essayait de trouver une posture confortable sur la chaise qui ne l'était pas, et qui ne correspondait pas à son standing habituel, de même que la qualité des autres meubles de la pièce. « Vous avez à cœur de coopérer avec la police pour retrouver l'assassin, n'est-ce pas, monsieur Marchand ?»« Oui, évidemment. »« Vous la connaissiez depuis longtemps, depuis 5 mois. »« Comment l'avez-vous connue ?»« Qu'importe, elle m'a été présentée un cocktail mondain. » Marchand ponctuait ses réponses de gestes amples d'un bras. « Vous l'avez revue peu de temps après ?» Si j'avais pu, je ne l'aurais plus quitté à compter de ce jour-là, et cela aurait été préférable. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je l'ai revue le lendemain, après un forcing effréné. Ce n'est pas elle qui a cherché à me mettre le grappin dessus, si c'est ce que vous suggérez. Martin se leva et intervint. Ce n'est pas ce que nous croyons. Nous commençons à mieux connaître Denise Doulade. Ce n'était pas une femme intéressée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Marchand se tourna vers Martin. Vous faites allusion à Patricia ? Il ne me reste qu'elle. Peut-être aime-t-elle davantage mon argent que moi, mais comment lui en vouloir? Vous m'avez bien vu, n'est-ce pas? Mais pourquoi Denise Doulade vous fréquentait-elle? Parce que j'avais immensément besoin d'elle, qu'elle le sentait et qu'elle ne savait pas dire non. Le cœur de Denise débordait d'amour, de tendresse. À mes yeux, elle était le bijou le plus précieux de ce bas monde. Aucun écrin n'était digne d'elle. Il avait agité ses deux bras pour renforcer ses affirmations. Vous la rencontriez souvent? Une fois ou deux par semaine. C'était elle qui le décidait. J'étais toujours disponible pour elle. Chez elle, nous sortions et nous passions du temps chez elle. Pour discuter, cela ne vous regarde pas. Vous avez encore beaucoup de questions de ce genre? C'est avec ça que vous allez trouver son assassin? Christophe reprit le flambeau. Vous avez peut-être la clé de l'énigme, sans le savoir. C'est notre métier de la découvrir dans votre mémoire. Vous lui donniez de l'argent? Marchand fit mine de repousser la question, ses mains tendues vers l'avant. Assez, s'il vous plaît. Christophe haussa le ton. « C'est très important, vous lui donniez de l'argent. »« Oui, beaucoup. »« Je suppose que je dois dire oui, mais elle aurait pu avoir beaucoup plus, tout ce que je possède, si elle avait voulu. »« Je lui faisais aussi des cadeaux. Cela me faisait plaisir de la surprendre et de lui faire partager ce que j'aime. »« Vous saviez ce qu'elle en faisait ?»« Je crois que c'était pour ses enfants et sa famille. » Christophe et Martin se regardèrent. C'était à Christophe de continuer à sa manière. Il le faisait savoir à son collègue, ses enfants. En dehors de ses deux enfants, elle avait un cousin qui habite la ville, je crois. Vous avez rencontré ses enfants? Je ne connaissais que celui qui habitait chez elle. Je n'ai jamais pu voir le second. Je ne sais même pas dans quel hôpital il est. Je crois que nous vous avons suffisamment ennuyé comme ça. Merci de toutes ces précisions. Je peux vous assurer qu'elles nous seront utiles. Marchand se leva difficilement, éternua fortement et jeta un regard mauvais sur cette chaise indigne. Martin ne put contenir sa question. Pourquoi ne pas m'avoir laissé lui dire qu'elle n'avait pas d'enfant? Parce que ce n'était pas utile de lui faire encore du mal. Et puis je suis convaincu qu'il ne nous a pas tout dit. Il faut garder un prétexte pour le revoir. Il aura pu tout lâcher, sous l'émotion. Oui, ou se fermer comme une huître? Martin fit la moue. Je ne suis pas convaincu, mais c'est toi qui pilotes. Je commence à penser que l'argent est au centre de cette affaire. Pendant que tu t'occuperas de la bonne, mon cher Martin, je vais aller voir la banque de Denise. Tu imagines qu'on ait pu la tuer pour réalité? Non. Alors quelle est ton idée? Je n'en ai pas. Mais je sens que l'argent est au centre de ce crime. Une intuition, quoi. Martin arrondit ses sourcils et sourit benoîtement. Si tu le sens, évidemment, ça change tout. Pardonne au jeune inspecteur inexpérimenté que je suis. Tu as fini, dis. Marceau va arriver bientôt. Il doit être là. Tu avais prévu un interrogatoire aussi court avec Marchand ? Non, j'avais prévu de faire mijoter Marceau. Je le fais rentrer ? Laisse-moi relire les notes le concernant. Christophe se replongea dans ses papiers. Il avait beaucoup de mal à se concentrer. Il repensait au fiasco de la nuit. Non qu'il eut des regrets vis-à-vis de Chantal, mais parce qu'il avait trahi Marie, qu'il avait passé plusieurs heures sans penser à elle, sans lui dire virtuellement qu'il l'aimait. Il se l'imaginait en larmes et c'était insupportable. Comment pouvait-il prétendre que le bonheur de Marie était son but dans la vie, son objectif, sa raison de vivre ? Elle avait pleuré une fois devant lui et il avait été incapable de la consoler. Il était resté pétrifié, terrorisé par son impuissance à lui dire les mots qui consolent. L'avoir pleuré était la pire épreuve qui lui avait été donnée de vivre. La vie lui avait réservé quelques accidents, la perte de sa grand-mère, puis de son père et de sa mère, des disparitions dans l'ordre du temps qui passe. Le chagrin est différent lors de la mort de parents proches. On souffre, le temps passe et on s'habitue. Les yeux mouillés de Marie, c'était comme une explosion nucléaire, un raz-de-marée, le cœur qui éclate. L'image des yeux mouillés de Marie l'habitait entièrement. Je vais axer l'audition de Marceau sur l'argent. Il est jeune, il ne doit pas gagner beaucoup. Il a peut-être des besoins importants. Marchand en a parlé à demi-mot, proposa Christophe. Plus d'1m90, mince, des yeux verts, bref, un bel homme. Marceau se posa sur la chaise en face du bureau, comme le font les suspects dans les films. Christophe commença. « Vous êtes rentré du voyage hier, monsieur Marceau ?»« Oui, je me déplace assez souvent. »« Que faites-vous, juste ?» Marceau était assis sur la même chaise que Marchand. Le contraste était saisissant entre les deux amants de Denise. « Je suis représentant. »« En quoi ?»« En lingerie féminine. »« Voilà un beau métier. » risqua Martin. Christophe reprit le manche. « Vous travaillez depuis longtemps pour cette société ?»« 5 ans. »« Vous m'avez convoqué parce que je connaissais madame Doulade, je suppose. »« Ça paye bien ?» « Assez pour vivre. » Marceau avait du mal à caser ses grandes jambes. « Vous n'avez pas de gros besoins d'argent ?»« Pas particulièrement. Je vis au jour le jour, avec ce que je gagne. Quand je n'ai plus d'argent, par la force des choses, j'arrête de dépenser. »« C'est une façon de parler, je suppose. À votre âge, on aime sortir, s'amuser, courir les filles. »« Je n'ai pas besoin d'argent pour courir les filles. Et c'est vrai que mon boulot me donne beaucoup d'occasions avec les commerçantes. Vous êtes un parent de Denise Doulade ?» Marceau sourit. « Non. » Elle présentait les choses ainsi. Cela l'ennuyait que je sois plus jeune qu'elle. « Vous la connaissiez depuis longtemps ? Quelques mois. » Martin attaqua sur un ton plus tranchant. « C'est elle qui vous a dragué ? Eh bien oui. Cela m'arrive assez souvent. » « Et avec toutes les occasions que vous avez entretenu des relations avec Madame Doulade, une femme plus âgée que vous ?» Je n'osais pas la quitter. Elle disait qu'elle avait besoin de moi. Et puis nous nous entendions très bien. Au lit ? Oui. Elle était douée pour l'amour. Nous l'étions tous les deux. Ça l'a changé des autres. Marceau essayait toujours de trouver une position acceptable sur cette satanée chaise. Quels autres ? Vous le savez bien, le gros, le vicieux et le pauvre type. Elle vous en parlait ? Bien sûr, la pauvre, c'était dur pour elle de contenter tous ces mecs. Mais pourquoi le faisait-elle ? Je n'en sais rien. Par pitié peut-être, ou pour préparer ses vieux jours. Qu'entendez-vous par là ? Elle avait envie de se caser, je suppose. Elle n'était quand même plus toute jeune. Plus toute jeune, à 35 ans. C'était de bon parti pour elle. Je n'en sais rien, sans doute. Et vous ? Vous n'êtes pas spécialement en bon parti. Enfin, financièrement parlant, je veux dire. Marceau sortit un paquet de cigarettes, mais le regard que lui lança Christophe le dissuada de l'ouvrir. Elle prenait son plaisir avec moi. Christophe repartit sur l'argent. Vous a-t-elle demandé de l'argent ? Non. Et vous ? Moi ? Oui, vous. « Lui avez-vous emprunté de l'argent ? Une ou deux fois, pour passer une fin de mois difficile. Vous le lui avez rendu ? Bien sûr, dès que ma paye était virée sur mon compte. » Marceau devait tourner à chaque fois la tête pour regarder celui qui posait les questions. Martin prit le relais. « Vous vous voyez souvent ? Quand j'étais là, au moins une ou deux fois par semaine. » « Vous vous déplacez tant que ça ? Je suis souvent absent. » « Vous étiez absent le jour du crime ? Je suis parti le matin même. » Christophe enchaîna. « La veille au matin ou le lendemain matin ?»« Le lendemain. »« Vous l'avez vu le soir du meurtre ?»« Non. »« Je croyais que vous voyiez chaque fois que possible. »« Ce n'était pas possible ce soir-là. »« Nous nous étions vus un peu avant, et elle attendait un des autres. »« Vous savez lequel ?»« Non, elle ne me disait pas tout. »« Vous repartez bientôt ?»« Dans 2 jours. »« Laissez vos coordonnées à votre concierge au cas où. »« D'accord. »« Vous n'avez plus de questions à me poser ?» Marceau fit mine de se lever. « Et où étiez-vous la nuit du meurtre ?» « Chez moi. »« Avec quelqu'un ?»« Non, seul. J'avais un rendez-vous, mais la fille s'est décommandée au dernier moment. « Ce sont des choses qui arrivent, » se permit Martin. « Quel est son nom? Avez-vous son adresse ou son numéro de téléphone ?»« Pas sur moi. Je ne suis pas sûr de l'avoir conservé, d'ailleurs. Il faut que je le recherche chez moi. »« Vous saviez que nous allions vous les demander ?»« Téléphonez-nous sans faute dans la journée. Cela facilitera les choses pour tout le monde. Je le ferai. »« Je vous reconduis, monsieur Marceau. » Il put enfin se déplier et se lever. Puis, comme prévu, les deux inspecteurs se séparèrent en se donnant rendez-vous au restaurant. Christophe eut le temps de lire son journal sportif et de boire deux kir. Tu as eu la patience de m'attendre. Martin fit signe au serveur. J'ai une de ses fins. Ça a pris plus de temps que prévu. J'ai du mal à la trouver. Je te raconterai le ventre plein. Ils furent vite servis et mangèrent sans parler. Christophe pensait à Marie, à le repas en tête à tête. Il revivait le premier, le soir où il avait avoué timidement son amour. Il se demandait encore comment il avait eu le courage et se rappelait la réaction de Marie, ses conseils pour trouver une copine célibataire. Il avait passé une nuit terrible et un triste week-end. Il ne s'attarda pas sur ses moments mi-figues, mi-raisins et passa à une autre soirée. Au restaurant, la seule fois qu'ils étaient allés ensemble, ils étaient restés toute la soirée la main dans la main. C'était elle qui avait saisi la sienne. Quel bonheur de sentir sa passion au contact de sa peau et de son étreinte. Elle avait eu ses petits yeux presque tout le long du repas et il avait été submergé de tendresse ce soir-là. Il n'eut pas le temps de revivre d'autres tête-à-tête. Affamé, Martin avait vidé son assiette et commentait sa visite du matin. « Elle venait juste de partir quand je suis arrivé. J'avais noté l'adresse de ses employeurs habituels, mais j'ai dû en faire trois avant de la trouver. « Bravo, Martin, quel zèle. Tu as fait ton travail au risque de déjeuner en retard. Très drôle. » J'ai attendu qu'elle ait terminé son travail et nous nous sommes rendus dans un appartement proche où, en l'absence des propriétaires, elle devait faire le ménage. « Eh bien, dis-le. Tu es bien nerveux. Commencerais-tu à t'inquiéter ? Pas du tout. Je sens que nous approchons du but. Je suis fébrile. Tu saisis la nuance ? Elle sait beaucoup de choses sur les amants de Doulade. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle tient un journal. Il a accepté de me le confier. « Super, Martin. Tu as l'art d'interroger les femmes. » Je dis ça sans arrière-pensée, juste un peu d'envie. Tu lui as fait du charme? Un petit sourire énigmatique précéda la réponse. Tu tiens à le savoir? Ou faut-il que je te dise comment était le cocktail? Christophe tombait de l'armoire. Non, tu n'as tout de même pas couché avec. Ma conscience professionnelle et mon dévouement sont sans limite. Tu crois peut-être qu'elle m'a donné son journal sans qu'on se connaisse un peu? Je suis bouche bée. Content de son effet, Martin poursuivit. Je me suis forcé, mais quelle affaire? Un volcan, un tremblement de terre, un tsunami, le cyclone Marianne. Marianne, c'est son prénom. Enfin, celui qu'elle donne, pas le vrai. Elle n'a pas l'âge de tes cibles habituelles, et ce n'est pas très professionnel. Je ne lui ai pas demandé son bulletin de naissance, et elle n'est qu'un vague témoin. Et tu l'as séduite facilement? Elle était très émue de parler de Doulade. Elle l'adorait. Elle s'est mise à pleurer, et je l'ai consolée. Après, nous nous sommes laissés aller, c'est venu tout seul. Je n'arrive pas à vous imaginer. Toi, en dehors de Marie, tu ne peux penser à personne d'autre. Sauf peut-être à la fille d'hier soir. Chantal, c'est ça. Martin fit signe pour avoir la suite. Tu n'as pas répondu à ma question de ce matin. Tu m'as laissé entendre que ça n'avait pas marché avec la journaliste. J'étais assez nul. Je voyais Marie partout. Je n'ai rien pu faire de bien. Bref, j'ai fait mon devoir, sans plus. Elle a dû être déçue, ta copine. Christophe s'agita sur sa chaise, mal à l'aise. Ma copine. Je suis incapable d'avoir une copine. J'ai toujours Marie au bout des yeux. Elle me cache les autres femmes. Ce n'est pas très sain, cette situation. Quoi faire? Inutile de me conseiller l'impossible, d'accord? Elle l'a mal pris, Chantal? Tu étais en service commandé? Pourvu que nous n'ayons pas une nuée de journalistes à nos basques à cause de ton fiasco. Haussement d'épaule. Non, elle a attribué ma défaillance à l'alcool. Une belle fille ne peut imaginer autre chose. Pour être mignonne, elle est mignonne. Je crois que je vais bien m'occuper des relations avec la presse, avança Martin. Quelle santé! Quel professionnalisme, devrais-tu dire? Martin refit un signe au serveur avec un geste d'impatience. Tu vas donc avoir le journal intime de Marianne, la femme de ménage. Elle te le remet quand? Demain. Nous avons rendez-vous l'après-midi. Je vois. Pourquoi tu dis que nous approchions du but? Doulade attendait quelqu'un le soir du meurtre, selon Marceau. Il suffit de savoir qui était attendu. Et s'il a menti? Alors c'est lui. Je suis sûr que Marceau a de gros besoins d'argent et qu'il profitait de Doulade. Il faut aller à la banque, on avance guère. As-tu réservé des œufs à la neige? Bien sûr, Martin, c'est le béaba, non ? Ils ne sont pas pressés aujourd'hui. Cet après-midi, banque et trimmer à 17h. Nous avons vu du monde aujourd'hui. Crois-tu que nous avons vu le coupable ? J'en suis persuadé. C'est terrible de se dire que nous avons discuté avec le meurtrier, qu'il était en face de nous, le cul sur notre chaise de torture. Le meurtrier ou la meurtrière ? La belle Patricia. Pour récupérer Marchand et sa fortune, pourquoi pas ? J'ai du mal à imaginer ça. Ah, voilà les yeux à la neige. Un ange passa. Il avait de jolis yeux bleus et des cheveux bruns. Il sentait très bon et il laissait la trace de son parfum derrière lui. Ils furent rapidement introduits dans le bureau du directeur de la banque. Que voulez-vous savoir, messieurs ? Nous voulons connaître le détail des comptes de Denise Doulade, mouvement et solde depuis 2 ans. Voici le document, nous autorisant à tout voir. J'ai fait préparer un relevé de ces comptes. Il y a peu de choses, en tout et pour tout moins de 10 000 €. Vous en êtes sûr ? C'est peu. Ma foi, elle avait peut-être un compte ailleurs que dans notre établissement. Selon nos informations, elle avait eu des rentrées importantes d'argent ces derniers mois. Pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît ? L'homme pianota sur son micro-ordinateur. J'ai fait mettre en ligne tous les mouvements de son compte depuis l'origine. Je vous demande quelques instants de patience. Il scrutait l'écran tout en parlant. En principe, nous disposons des mouvements des 3 derniers mois et j'ai demandé... Elle avait plusieurs comptes. Un compte courant et un compte épargne logement. Voilà. En 3 mois, son compte a été crédité de... Attendez, je vérifie, j'ai dû faire une fausse manœuvre. 100 000 €. C'est une belle somme, en 3 mois. Oui, c'est bien ça, 100 000 €. Et sur 6 mois ? Sur 6 mois, cela fait, voyons, 150 000 €. Pouvez-vous savoir d'où provient l'argent ? Le regard de Martin en disait long sur ses pensées du moment. Marchand, monsieur Marchand, pour l'essentiel, des virements et des chèques. Nous savions que Marchand était généreux avec elle, mais à ce point. Puisque le solde est d'environ 10 000 €, pouvez-vous... Il y a de nombreux virements vers un compte épargne ouvert au nom de Thomas Arnaud. Sur 6 mois, 6 000 € exactement. L'essentiel des retraits a été fait en espèces. En espèces, 150 000 € en 6 mois. Pas tout à fait, mais presque. Les retraits sont réguliers. Le banquier suivait toujours son écran. Non, ils sont assez récents. S'il vous plaît, faites-nous une copie de tous les retraits, montant, date. Pouvons-nous les avoir tout de suite ? Christophe prenait des notes. J'en ai pour 2 minutes. Merci. Tu vois autre chose, Martin ? Faisait-elle beaucoup de chèques ? Avait-elle une carte de crédit ? Elle payait son loyer et ses charges par chèque ainsi que quelques achats divers. Elle utilisait peu sa carte de crédit. L'imprimante cracha les listings. Autre chose, messieurs ? Pas pour l'instant. Merci de votre coopération, monsieur le directeur. Ils se levèrent dans un bel ensemble. Dans la voiture, pressé de satisfaire sa curiosité, Martin prenait connaissance des retraits en espèces. Christophe avait l'esprit qui battait la campagne à la recherche de sa dulcinée. Il se revoyait faire l'amour la première fois, le plaisir rapide de Marie, la découverte de son corps, ses gestes sensuels. Quelques jours avant, il lui avait avoué ses fantasmes. Elle, dansant, puis s'offrant de dos, les bras en appui sur un fauteuil, la tête en bas. Dans la chambre, il y avait un fauteuil. Elle avait dansé, vêtue de son caraco de soie légère, transparente, elle ondulante et gémissante. Quel moment d'amour ! Un séjour au paradis. Une densité inimaginable de passion et de tendresse. Il se souvenait de ses regards, ses paroles, ses frémissements, de ses extases et de ses caresses. Oh oui, ses caresses. Il avait eu si peur de ne pas être à la hauteur. Ils avaient été intensément heureux. Ils étaient sortis et avaient trouvé un restaurant. Pour lui, Marie n'avait pas mis de petite culotte. Il l'avait caressée dans la voiture, doucement, en glissant sa langue dans sa bouche, son cou, ses oreilles. Au restaurant, ils avaient dégusté du homard arrosé d'un vin blanc exquis. Et il avait évoqué sa nudité cachée, connue d'eux seuls, leur secret à la face du monde. Une rencontre parfaite, le temps s'était arrêté. Ils avaient pris une douche ensemble. Ils se souvenaient de chaque goutte d'eau glissant telle du nectar sur le corps aimé. Était-ce les gouttes d'eau qui caressaient sa peau ou sa vision d'un instant d'éternité décuplé par le bonheur ? Ce jour-là, il avait découvert l'envoûtement de ses odeurs et de ses parfums, inoubliable comme l'ivresse de l'amour. Il se sentait bien dans le royaume de Marie au point d'oublier Martin, Marchand et tous les autres. Elle a retiré une grande partie de l'argent ces 15 derniers jours. Et, oh, reviens avec moi, Christophe. Laisse Marie 5 minutes. Je te disais qu'elle avait retiré l'argent pendant les 15 jours qui ont précédé le meurtre. Tu vois, l'argent est au centre de l'affaire. Nous brûlons, Martin. Pas les feux rouges, s'il te plaît. Elle était peut-être victime d'un maître chanteur. Martin se cramponna à la poignée de la porte. Où elle a commencé à entretenir quelqu'un? Marceau? Il a tout à fait la tête de l'emploi. Le maître chanteur pourrait aussi être l'homme transparent que Marie Solange. Si tout va bien, nous allons conclure dans la semaine. Il se frottait les mains. Tu ne veux plus prendre ton temps, Martin. Profitez. Regarde où tu vas, toi. À la réflexion, je ne profite pas. Tu oublies Marie Solange? Et la femme de ménage? Ne ramène pas tout au sexe, Christophe. Je ne suis tout de même pas un obsédé. Christophe baissa la tête, faussement penaud. Je sais, Martin. C'était de l'humour pauvre. Tu te sentiras mieux quand tout sera terminé et que tu pourras expliquer tes exploits à tes amis et tes petites copines. Tu as raison. Je me vois très bien expliquant notre triomphe sur la terrasse de Christian entouré de jolies filles. À la terrasse? N'exagère pas. Revenons à notre affaire. Il faut mettre Marceau sous surveillance. Va voir Gardiani dès que nous arriverons. C'est plus urgent que Quentin. Coincé derrière une file de voitures, Christophe s'impatientait. Alors tu bouges, sale con! Et la belle Patricia? Elle aurait pu vouloir arrêter l'hémorragie. 150 000 euros en 6 mois. Son patron dilapidait la fortune sur laquelle elle louchait. Tu crois que ça valait le coup? Marchand pouvait s'amouracher d'une autre femme. Je ne crois pas. Il pense avoir trouvé la femme de sa vie, comme Quentin. Il n'en cherchera pas une autre. Il se morfondra dans le souvenir de sa Denise. Si je te comprends bien, Quentin et Marchand seraient innocents car ils n'auraient pas tué la femme de leur vie. C'est vite dit. Admettons, il en resterait Marceau, Patricia et l'homme transparent, comme tu dis. Pourquoi pas un inconnu? Ou Trimmer? Il sera au bureau à 17h. Christophe replongea dans un lit avec Marie. Martin réexamina la liste des retraits en espèces de Madame Doulade. Le commissariat bruyant était rempli de monde. Martin alla immédiatement voir Graziani et Christophe s'isola dans son bureau. Les bruits lui arrivaient étouffés. Un bruit de fond pour la première couche, des crépitements d'imprimantes, quelques éclats de voix, des vociférations. Ce bruit frôlait l'indigestion. Christophe décida de combattre le mal par le mal. Il utilisa son micro et il imprima les conclusions auxquelles ils étaient arrivés dans la journée. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il pouvait dresser une liste de suspects et BG allait être satisfait. Christophe avait du mal à se faire à l'idée de la culpabilité d'une femme, sacré handicap pour un inspecteur de police. Il n'aimait pas Marceau, mais cela ne suffisait pas à le rendre coupable. Il le trouvait antipathique, le genre d'homme pour qui Marie aurait pu craquer. Il était terriblement jaloux de Marie. Il avait horreur de l'entendre raconter ses fleurs de jeunesse ou ses premiers ébats amoureux. Il aurait voulu être le seul homme de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Il aurait voulu ne faire qu'un avec elle, se fondre en elle, la découvrir de l'intérieur. Martin entra et mit fin à son délire. « Tu as vérifié le nom de famille de la mère de l'enfant qu'elle gardait généreusement ? Non ? Je vais le faire alors. » Voilà, c'est bien Arnaud et c'est bien son fils qui bénéficie des versements sur le compte d'épargne. Tu crois qu'elle pourra utiliser l'argent ou doit-elle attendre que le gamin atteigne sa majorité? Je n'en sais rien. Quelle importance? Tu as vu Graziani? Oui, il fait suivre Marceau dès maintenant. Trimmer est déjà arrivé? Non, il ne va sans doute pas tarder. Christophe fixa Martin. Tu as remarqué pour son nom? Quoi? Que faut-il remarquer? Il est fiché? Non, je veux parler des lettres qui composent son nom. Trimmer. Christophe l'inscrivit en lettres majuscules sur une feuille blanche. Tu connais les anagrammes? « Regarde, on peut faire meurtre, meurtre, meurtrier. Bon sang, c'est dingue !»« C'est étrange. Quelle coïncidence. »« Tu es sûr avec les autres noms, Marchand, Marceau, Quentin, Outborg ?» Christophe les écrivit sous Trimmer. « Outborg se prénomme Patricia, n'est-ce pas ?»« Et alors ?»« Patricia P. Outborg égale P. Ut ou pute. »« Tu exagères, Christophe. Je dirais même que tu déconnes. Je me détends. » Ça ne fait de mal à personne. J'aimerais bien savoir comment s'appelle le monsieur X que nous cherchons, avec l'aide précieuse et inefficace de la belle Marie Solange. Il s'appelle peut-être Sanissas ou Rutu. Martin déchira la feuille, en fit une boule et visa la poubelle avec succès. Tu déconnes et tu m'épuises. Comment veux-tu que je sois en forme pour interroger Trimmer? Christophe expliqua en mimant. Au contraire, j'entraîne tes cellules cérébrales, je les chauffe, je laisse à d'autres le soin de s'occuper de tes cellules plus... disons plus sensible. Je commence à m'inquiéter que tu n'évoques pas le sexe. Tu me rassures. Je vais voir si le trauma est arrivé. Christophe tenta d'imaginer les cellules de Marie. Il les voyait de toutes les couleurs. Elles étaient toutes occupées en permanence. Elles se mouvaient avec grâce et harmonie. Chaque cellule avait les yeux de Marie, et le rire de Marie, et le parfum de Marie. Il les aimait toutes à la folie. Il se rappela les trois petits boutons sur sa fesse gauche, le jour où ils firent l'amour la première fois. Il se souvenait de chaque détail de ce bout de jour-là. Et il revoyait parfaitement bien ces boutons alignés l'un au-dessous de l'autre à 1 centimètre d'intervalle. Il aurait aimé avoir un appareil photo. Marie n'aurait pas refusé. Elle promettait tout et fantasmait beaucoup quand il faisait l'amour. Il avait envisagé un autre jour de la filmer nue, mais n'avait pas osé le lui demander. Il était beaucoup plus fétichiste qu'elle. Il avait rempli un petit cadre avec les souvenirs d'une fin d'après-midi où ils avaient vu ensemble L'Amant, le film d'après le roman de Marguerite Duras. Le cadre contenait une reproduction de l'affiche du film, les deux billets d'entrée, les photos de leur tasse à café et du lit défait. Il avait pris les photos après le départ de Marie. Quand il regardait le cadre, le lit était désespérément vide. Marie n'aimait pas donner de photos. Peut-être pour ne pas qu'on lui vole ainsi un morceau de vie. Christophe n'avait qu'une seule photo d'elle, son visage souriant en noir et blanc, qu'il avait découpé au milieu d'une photo de groupe. Il le regardait lorsqu'il ressentait le besoin de revenir sur terre. Il vivrait plus facilement si Marie se posait à ses côtés, mais voilà, elle évoluait dans les airs, dans le ciel, là-haut, près du soleil. Martin et Trimmer entrèrent. Le docteur paraissait aussi embarrassé que lors de leur première rencontre. Il s'installa sur la même chaise inconfortable que les autres. « Comment allez-vous, docteur ?» s'enquit Christophe. « Je ne suis pas très en forme. Monsieur Trimmer a quelque chose à nous dire. C'est bien ce que vous venez de me laisser entendre, n'est-ce pas ?» questionna Martin souriant. « Oui, c'est important, et j'ai besoin d'en parler. » Christophe l'encouragea. « Allez-y, docteur. » « Voilà, j'étais l'amant de Denise. » J'étais follement amoureux d'elle et c'était réciproque. Ah, vous saviez pourtant qu'elle avait d'autres hommes dans sa vie. Après un silence gêné, le docteur répondit. Je savais. Elle avait décidé de mettre un terme à ses autres relations et de se consacrer à notre amour. Elle avait décidé depuis longtemps. Quelques jours avant sa mort, elle m'avait promis de l'annoncer aux autres. Quels autres? Vous le savez bien. Il parlait sur le ton de la confidence. Nous ne savons peut-être pas tout. Marchand, Marceau, Quentin, Jean-Marc. Jean-Marc? Qui est-ce? Vous ne connaissez que son prénom? Denise n'employait que son prénom. Elle en parlait rarement. Savez-vous s'il avait déjà annoncé la nouvelle à l'un d'entre eux? Peut-être à Jean-Marc ou à Marceau. Je suppose. Je n'en sais rien. Elle ne savait pas comment s'y prendre. Surtout envers Quentin et Marchand. Elle voulait leur écrire. Elle avait peur de Quentin. Qu'il fasse une bêtise et Marchand... Christophe s'assit sur le coin du bureau. « Quentin, quel genre de bêtise? Se venger d'elle? Non. Qu'il recommence avec des adolescentes? Vous savez cela. Que vouliez-vous dire de Marchand? Il venait de la demander en mariage. Sans contrat, il mettait sa fortune à ses pieds. » Martin intervint. C'était la première fois. Non, il insistait, lourdement. Denise craignait surtout sa peine. Et les deux autres, qu'en pensait-elle? Marceau, je ne sais pas. Quant à Jean-Marc, expliquez-vous. Il la couvrait de lettres d'amour et de poèmes. Un amour platonique, virtuel. L'amour cérébral du rêveur. La pire des épreuves. Elle le voyait tous les mois pour satisfaire son fantasme amoureux. Il se contentait de discuter, le plus souvent. Rarement, il faisait autre chose. Un tilt sonna dans la tête de Christophe. Vous parlez facilement des amants de la victime. Vous n'étiez pas jaloux, si je comprends bien votre attitude. Oh, que si! À en mourir! Protesta-t-il. C'était sa vie. J'aimais follement Denise, même son passé, dont elle n'avait pas à rougir. Elle était bonne, généreuse. Elle n'agissait pas par vice ou par intérêt. Elle se donnait par amour ou compassion. En vous écoutant, je comprends mieux votre gêne. Le lendemain du crime, devant le corps inerte de votre maîtresse, pourquoi n'avoir rien dit? Vous aviez peur d'être soupçonné. Non, cela m'est égal. Je n'ai rien fait de mal. Tout médecin que je suis, habitué à la misère humaine et à la mort, j'étais très perturbé. Perdre brutalement la femme que l'on aime, il faut le vivre pour savoir. Je sais que vous pouvez comprendre ça, n'est-ce pas, inspecteur? Christophe acquiesça en hochant la tête. Avez-vous une idée sur l'identité de l'assassin? Je n'ai aucune preuve. Je dirais Marceau ou Jean-Marc. Vous détestez Marceau parce qu'il l'a aimé avant vous? Ou pourquoi d'autre? Je le déteste parce qu'il n'aimait pas Denise. Comment un homme normal pouvait-il ne pas être follement amoureux de Denise? Et Jean-Marc? Il est un peu déséquilibré. Comme Quentin? Non, pas comme Quentin. Jean-Marc n'avait pas besoin de la présence physique de Denise. Son amour stratosphérique lui suffisait. Pouvez-vous nous aider à trouver Jean-Marc? Un nom, une adresse? Le docteur réfléchit encore un instant. Je ne peux pas vous être utile et je le regrette. Je ne l'ai jamais rencontré. Denise me l'a décrit comme quelqu'un d'ordinaire, sans signes caractéristiques. Monsieur tout le monde, en somme. Merci de votre témoignage, docteur. Je suis désolé. J'ai le sentiment de vous avoir peu aidé. Vous connaissiez le nom de ses amis, n'est-ce pas? Je reste à votre disposition. Je quitterai définitivement cette ville quand vous aurez trouvé le coupable. Savez-vous si Denise Doulade avait de l'argent? Elle m'a dit que nous n'aurions pas de difficultés financières et que nous pourrions envisager de partir de cette ville pour mettre de la distance avec ses hommes. Rien de plus précis, non. Il baissa la tête, épuisé. À nos âges, on oublie avec le temps. La vie réserve parfois de bonnes surprises, docteur. Philosopha Christophe en le reconduisant vers la sortie. Nous brûlons, Christophe, hein, nous brûlons. Il faut dire à Marie-Solange qu'elle cherche un certain Jean-Marc, genre druide, rêveur ou poète. Je m'en charge. La belle Patricia Hauteborg n'est pas innocentée. N'oublions pas que Marchand voulait épouser Doulade et que le fric lui échappait. Oui, je n'oublie rien. Qui était au courant de la décision de la belle Denise? Personne ne nous en a parlé. Elle n'avait sans doute pas commencé à le leur dire. Ou alors l'un d'eux le savait et ne l'a pas supporté. Oui, mais lequel? Marchand était tellement surpris. Trimmer est effondré et Quentin a tout perdu. Il nous reste Patricia, Jean-Marc et Marcel. Marcel, Marceau. Tu te surpasses, Christophe. Je vais terminer le rapport pour le chef et le déposer sur son bureau. Demain, BG sera content. Enfin, je l'espère.